Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Le génie des bébés, une série documentaire de Nejma Bouakra, réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a l'odeur parfaite de la tête duveteuse des nourrissons et le désir jamais assouvi de savoir ce qui se passe sous ces 6 petits crânes. Mais aussi l'impossible souvenir de ces mois dans l'eau et l'obscurité, dont on nous assure cependant qu'ils sont fondateurs. Alors il y a l'envie de remonter le fil petit à petit pour comprendre comment se fabrique l'intelligence des bébés. Et pour commencer, savoir ce qu'ils perçoivent dans leur bulle aquatique pendant cette période où l'on ne peut que les imaginer. Alors pour commencer, les personnages. Un psychanalyste qui rêve, un échographe qui scrute, un fœtus qui boit, un anthropologue, un médecin qui se souvient, des parents, les yeux rivés à l'écran, un bébé imaginaire, une échographe précautionneuse, un père qui a eu peur et un bébé qui dort. Ensuite le décor, une voix du dedans, la peau comme une oreille, le toucher, la bouche pour explorer, 1,5 litre de liquide, de la lumière, 2 fémurs, 2 yeux, 2 oreilles, des battements de cœur, une berceuse, la nuit utérine, des fantasmes, des diagnostics, des salles d'attente, des tables d'examen, des rires archaïques, des peurs silencieuses et le pouvoir du médecin. Aujourd'hui, premier épisode, on est in utero. Au fond, in utero, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans tous les bruits, parmi tous les bruits qui arrivent au fœtus, soit directement à travers les tissus du corps de la mère, soit en passant par le dehors et en traversant la paroi abdominale, il n'y a qu'un seul son qui est pour le fœtus vécu comme un son à la fois du dedans et du dehors, c'est la voix de la mère. La voix du père est purement extérieure. La voix de la mère, quand elle parle, une partie de sa voix va directement au fœtus et met le liquide amniotique en vibration. Le fœtus entend par la peau d'abord, comme les dauphins, comme nous à l'opéra, comme nous qui trouvons certaines voix touchantes, caressantes, la chair de poule, etc. L'audition cutanée, elle va durer toute la vie. Après, on entendra par les oreilles, mais on continue à entendre par la peau. Ce qui fait que personne, aucun enfant n'est totalement sourd. Merleau-Ponty disait « la peau, c'est la grande oreille ». Quand la mère parle, une partie de sa voix va directement au fœtus par l'intérieur de son corps, une partie de sa voix s'exprime, revient au fœtus en traversant cette fois-ci la paroi abdominale, et donc la voix de la mère est inscrite 2 fois, comme un son externe, comme un son interne. Peut-être le fœtus peut déjà le remarquer. Pour moi, la voix maternelle, c'est le premier opéra du fœtus. Le génie des bébés. Inconnu in utero. Nejma Bouakra, Franck Lilin. Bernard Goltz, est-ce qu'il existe une vie psychique in utero ? Est-ce que les sous-bassements de la vie psychique, même des adultes, se trouveraient déjà là, à l'intérieur de l'utérus? Très probablement, parce qu'il y a un continuum, c'est quelque chose de graduel. Et il y a déjà très longtemps, presque 100 ans, Freud avait eu cette intuition dans son livre « Inhibition, symptômes et angoisse » 1926, et il avait dit, cette phrase à peu près prémonitoire, il y a peut-être plus de continuité entre la vie prénatale et la vie postnatale que l'impressionnante césure de la naissance pourrait nous le faire croire. Et pour celui qui regarde un accouchement, évidemment, c'est un moment spectaculaire, le fœtus est dedans, le bébé va sortir, sera dehors, mais pour le bébé, il a eu cette impression que déjà, sans doute, un certain nombre de processus, voire psychiques, étaient en route déjà pendant la grossesse, et qu'ensuite, ça allait se complexifier après, mais que c'était un passage doux. Alors, maintenant, je le regarde par-dessous, je le regarde comme je vous regarde, vous, madame, par en dessous, comme ça. Donc, nous avons ici son nez, Je suis pas sûr de voir, par exemple. Nous y sommes, donc je suis ici au niveau de sa bouche, vous voyez sa lèvre supérieure et ses deux petites narines, ici, voilà, mais là vous voyez sa bouche, vous voyez ses deux lèvres, comme s'il était derrière une vitre, là vous voyez bouger ses lèvres, et quand on avance un petit peu plus, on voit les deux petites narines, le bout du nez, les deux joues sur les côtés, et puis maintenant les yeux. Alors les yeux, ce sont ces deux boules noires, qui ont un écartement habituel. Et à l'avant de ces deux boules noires, vous voyez deux petits ronds blancs. Ce sont les cristallins, donc les lentilles de l'œil. Et donc là, il absorbe du liquide amniotique. C'est ça, le fœtus boit. Et vous avez ici maintenant quelque chose qui est peut-être un petit peu plus pénible physiquement. J'appuie peut-être un petit peu plus. Ça va ici, toujours. Et ceci, c'est l'examen de son palais osseux. La bouche, c'est le lieu du tact et du goût. C'est une zone corporelle extrêmement riche en sensibilité nerveuse qui donne accès au tact et au goût. Alors c'est intéressant de voir que le goût in utero, l'appareil du goût, va se mettre en place après le tact et après l'olfaction, les deux premières sensibilités proximales, et avant l'audition et la vision, qui sont ce qu'on appelle les sensibilités distales, puisqu'on voit et on entend de loin. Donc chronologiquement in utero, tout ce qui se passe autour de la bouche se développe, s'organise, se met en place après le tact et l'audition et l'olfaction et avant l'audition et l'audition. Et après la naissance, la bouche va être l'interface pour la cavité primitive, pour manger mais aussi pour explorer. Et c'est vraiment le point de passage entre le dedans et le dehors. Alors le fœtus suce son pouce par exemple. Le fœtus a des activités très sophistiquées au niveau de la bouche. Il a la bouche pleine de liquide amniotique. Il l'avale, il la déglutit, il la régurgite, il la rejette. Il y a tout un travail très, très compliqué, probablement qui permet de mettre en place des schémas moteurs qui seront utiles après la naissance. Donc là, je vous montre sa petite oreille. Voilà le pavillon de son oreille. Ah, vous voyez ? Donc là, des vibrations. Il perçoit des vibrations. Déjà. Alors, ce qu'ils préfèrent comme musique, ça je ne sais pas. Qu'ils perçoivent les choses, oui, sûrement, parce qu'il est dans un milieu aquatique et donc les sons sont transmis sous forme, effectivement, probablement de vibrations. Ce petit se promène dans une piscine. Tout ce qui apparaît noir à l'écran, c'est de l'eau, c'est du liquide amniotique. La quantité de liquide amniotique à ce terme, c'est à peu près 1 litre. Ou 1,5 litre. Ce liquide amniotique, il est fabriqué quasiment exclusivement à ce terme par l'urine du fœtus. Et il est entouré par ce coussin. Il est bordé par ce coussin sur ce côté de l'utérus, ici en l'occurrence à droite. Ce coussin gris que vous voyez, c'est le placenta. Et donc le placenta, eh bien, c'est ce qui va nourrir et oxygéner ce fœtus. Et vous avez ici, en plein milieu de ce placenta, le départ du cordon ombilical qui va aller s'implanter sur l'ombilic, comme son nom l'indique, du fœtus, pour lui permettre d'échanger un sang qu'il a utilisé, qui a peu d'oxygène, qui va repasser dans ce filtre qui va aller chercher l'oxygène à partir du sang de sa mère et des nutriments indispensables à sa croissance et à son développement. Par conséquent, oui, on peut l'inciter assez facilement en poussant ses fesses ou en poussant son épaule à aller dans la direction qui nous arrange pour l'examiner complètement sans que ce soit un sujet ensuite à rancune de sa part. C'est assez ouaté, non ? C'est très ouaté. Je dois trouver qu'on parle beaucoup et trop fort, sûrement, mais voilà. Vous avez ces petites mains, donc on les a vues, là, vous voyez. La position de repos de ces petits, c'est les mains près du visage. C'est ce qu'on observe aussi dans un berceau les premières semaines de vie. Hein. Ils ont les mains près du visage, de la bouche ou des yeux. Alors, les proportions de ces petits sont assez surprenantes, parce que si vous regardez bien sur cette coupe de profil ici, profil qui inclut à la fois la tête, là, vous voyez, je la mesure de haut en bas, elle ne veut rien dire cette mesure, elle ne sert à rien, hein, c'est juste pour vous montrer la proportion. Et ici, voilà son tronc, et vous voyez que sa tête est aussi, presque aussi grande que son tronc. Et si on mesure ses pieds, et qu'on mesure son fémur, l'os de la cuisse, ils ont la même taille également, ce qui vous donne un peu les proportions d'un petit fœtus. C'est très particulier. Alors, est-ce que c'est pour pouvoir nager plus facilement que les pieds sont aussi grands que les cuisses in utero? Je ne sais pas. Il n'est pas absolument certain que nous ne puissions pas avoir des images de notre vie prénatale. Et alors, bien sûr, ce ne sont pas des certitudes. Le premier qui en a beaucoup parlé, c'est Sandor Ferenczi, qui a analysé des rêves prénataux de certains patients adultes, qui est des images, des sensations qui peuvent ressurgir. Je crois qu'on a tous fait, par exemple, l'expérience, quand on s'endort, d'avoir l'impression de tomber dans un trou pendant quelques millièmes de secondes. Est-ce que ce sont des restes, des mouvements du fœtus dans le liquide amniotique? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Mais ce n'est pas absolument impossible. On dit toujours qu'il y a 5 sens, le toucher, l'olfaction, le goût, l'audition, la vision. En réalité, il y a plus que ça. Il y a en tout cas un 6e sens qu'on appelle la proprioception. C'est la capacité de savoir si son corps est vertical, horizontal, le mouvement, la position dans l'espace, le positionnement des membres les uns par rapport aux autres. Tout ça est beaucoup moins connu, et notamment chez le fœtus. Tout d'abord, on s'est aperçu que in utero, le bébé développait une certaine sensorialité. Jacques Daillon. Et on le sait pour à peu près tous les sens, le toucher, l'audition, et même d'une certaine façon la vision. La vision. Oui, entre une certaine illumination et rien du tout. C'est-à-dire ? C'est difficile à dire, parce que peut-être un aveugle pourrait le dire, ou un presque aveugle. C'est entre quelque chose à voir et rien à voir. La vision est l'un des derniers sens qui se développe in utero. On sait que l'enfant né déjà perçoit des formes, et donc, avant la naissance, il est certain qu'il a la capacité de percevoir ces formes. Par contre, le milieu aquatique ou quasi-aquatique, puisqu'il ne reste pas beaucoup de place dans lequel il baigne, et ce qu'il voit ou ne voit pas n'est pas encore connu, mais il est très probable qu'il peut déjà distinguer au moins des préformes. Et dès le départ, on pense qu'avant les formes, il y a quelque chose qui est de l'ordre de « est-ce qu'il y a de la lumière ou pas ici qui pourrait exister ?» Les sens importants, qui peuvent être déjà des sens relationnels, sont le toucher, puisque à travers le toucher, le bébé, par exemple, les jumeaux qui vivent dans la même bulle amniotique, ont déjà des contacts les uns avec les autres. On a mis en évidence que ces contacts sont très importants, ce sont des contacts socialisés, c'est-à-dire un des jumeaux va toucher l'autre, lui prendre la main, etc. Et ce ne sont pas des mouvements fortuits. Donc on sait déjà que le toucher a un rôle. Le toucher a un rôle aussi dans les expériences de relaxation que le bébé effectue in utero, par exemple en se caressant, en mettant son pouce dans la bouche, etc. etc. Donc il y a déjà une activité auto-centrée, mais qui peut être, dès lors qu'il y a la présence d'un jumeau, hétérocentrée. Donc le toucher est déjà une modalité relationnelle, et certainement la première du bébé in utero. Alors après, on sait très bien que cette modalité relationnelle va avoir une très très très grande importance, mais on ne peut pas la réduire au toucher. On sait par exemple que les qualités de chaleur ou de froid sont très importantes. On sait que la douleur, qui est tout à fait différente du toucher, va jouer un rôle. Le plaisir, on ne sait pas trop comment le quantifier, mais lui-même joue un rôle absolument fondamental. Donc le bébé est armé, disons, au-delà des 5 sens, d'une sensorialité qui est complète dans le sens où elle affecte tous les sens, et qui est largement incomplète dans le sens où ses sens ne sont pas du tout à maturité. C'est toute la question de savoir si le sensoriel est déjà du psychique. On a coutume de dire que le psychique commence avec la perception, c'est-à-dire la prise de conscience de la sensation. Mais personnellement, je pense que la sensation, c'est déjà du pré-psychique. C'est probablement un mix encore très amalgamé de sensations, de proto-perceptions, d'émotions. Voilà, ce ne sont pas encore des pensées et sans doute pas des pensées réflexives. Ce sont ce qu'on appelle des processus très originaires, mais qui vont faire le socle de ce qui va se passer après la naissance. Le fœtus va sortir du corps de la mère, il va devenir un bébé, et en tant que tel, il va rencontrer le travail psychique des adultes qui vont prendre soin de lui. Et là, ça va tirer les choses en avant et les complexifier. Alors, on arrive maintenant sur un des derniers plans, parce que on arrive. Vous connaissez déjà le sexe de ce bébé, mais nous confirmons une fois de plus. Voilà. Donc ici la verge et ici les bourses. Pour l'instant, les testicules ne sont pas dans les bourses. On ne s'y attend absolument pas à ce terme-là. Mm-hmm. C'est un signe de précocité tout à fait particulier. Donc, mais pour la prochaine échographie qu'on fera d'ici 2 mois, échographie détaillée, ce serait bien qu'elles le soient. Elles le seront descendues à ce moment-là. Alors, on est ici sur son périnée et on voit ce qu'on appelle ici la marge de l'anus, ce qui suggère que l'anus est perméable et c'est très bien comme ça. À partir de là, on part sur les cuisses. Vous voyez, on voit les deux cuisses partir. Les deux traits blancs très prononcés, ce sont les fémurs. Donc, ça fait partie également des paramètres biométriques. Donc, ce petit mesure à peu près entre 20 et 25 cm et il pèse à peu près 550 grammes, ce qui est tout à fait dans les clous. Alors, on est ici au niveau de ses genoux. Maintenant, on voit ses deux jambes. Vous voyez, il a les deux jambes croisées et chaque jambe contient deux os, hein, tibia et péroné. Donc, on les voit ici. Et ici, ce sont ses deux petits pieds qui sont croisés. La position des pieds croisés est la plus fréquente. Et il y a là-dedans une certaine coulitude. Vous voyez en 3D ces deux pieds là, hop, un de face, un vu par-dessus et un ici vu sur le côté. Il est dans quel sens là? Ça n'a pas d'importance encore à ce terme. Non, ça n'a pas d'importance. Là, vous avez sa tête ici, son dos est à gauche, ses fesses sont donc en haut et à gauche et ses pieds tapent plutôt sur la droite puisque il fait face à votre côté droit. Mais il a de la place du coup. Il y a tout ce qui est noir autour du fœtus, c'est du liquide. D'accord. Donc c'est sa piscine. Toutes les cabrioles voulues pendant encore un bon moment, au moins 2 mois. Alors on passe à l'étage d'en dessous. Et l'étage d'en dessous, c'est le cœur. Alors c'est une structure qui est aussi assez complexe et qui nécessite qu'on ait un abord assez idéal pour l'examiner complètement. Donc il faut pour ça tourner là encore un petit peu le bébé pour avoir son thorax vers l'avant, enfin vers nous. Là je reconnais parce que ça bat. Ça bat, voilà. Donc, ce cœur, il est composé de 4 cavités, 2 ventricules, 2 oreillettes. Ce que l'on voit et que j'image un petit peu plus nettement en utilisant la couleur de cet échographe, des Doppler, on voit les artères du cordon qui vont nous permettre d'écouter donc la fréquence cardiaque de ce petit. Cette fréquence cardiaque, elle est, comme d'habitude, 2 fois plus rapide que la vôtre, à peu près, puisque pour un fœtus, que son cœur batte rapidement, c'est la garantie que le sang passe le plus souvent possible au niveau du placenta et donc lui amène tout l'oxygène dont il a besoin. Donc le rythme cardiaque d'un fœtus, donc en gros entre 140 et 160, et ça n'est pas régulier, c'est sa caractéristique, il y a des accélérations sans arrêt. Vous ne vous en lassez pas, hein. C'est comme le chant des baleines. Une nouvelle technique chirurgicale, l'échographie obstétricale, qui consiste à employer en gynécologie les ultrasons pour suivre l'évolution d'une grossesse. C'est en fait l'équivalent du radar utilisé pour repérer dans le ciel des avions ou du sonar qui sert à détecter des bancs de poissons. Une technique dont on se sert depuis longtemps dans l'industrie, mais dont l'utilisation en médecine est beaucoup plus récente. Cette méthode, échographie obstétricale, est indolore, sans aucun danger de rayonnement, aussi bien pour les malades que pour ceux qui l'utilisent. C'est ainsi que les gynécologues l'ont adoptée pour confirmer une grossesse et suivre son évolution avec les incidents qu'elle peut présenter. Rock-a-bye baby on a treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will drop. Carrying baby, cradle and all. Est-ce que ça a été une révolution, l'échographie? Vous vous rappelez ces premiers des premières échographies et de l'accueil? Oui, c'est assez récent. C'est-à-dire qu'effectivement, des cliniciens de ma génération ont vu l'avant et l'après. Et donc, c'est tout à fait incroyable de voir, par exemple, les réactions d'un certain nombre de jeunes femmes qui, dans les années 75-80, étaient les premières à avoir un suivi échographique et qui racontaient devant leur mère et grand-mère ébahies leur ressenti, leur expérience de cette échographie. Sylvain Missoni. C'est-à-dire que sur le plan historique, il y a eu une véritable rupture entre ce qu'il en était d'une grossesse ancestralement opaque, qui donne lieu à tout un tas de projections et de perspectives sur ce qui est masqué pourrait laisser paraître néanmoins. Tu as le ventre comme ça, ce serait un garçon. Tu as le ventre comme si, ça signifiera ceci ou cela pour l'avenir de l'enfant. Bon, il y avait toute une myriade de projections à cet égard, mais la médecine a amené une forme de transparence, pour le meilleur et pour le pire, qui effectivement constitue une véritable rupture dans l'histoire de la médecine et le suivi obstétrical. Si nous parlons d'une révolution, l'échographie, ça a été une révolution? Porter un regard sur le bébé imaginaire? Porter un regard... Non, le regard, il est porté sur le fœtus de chair et d'os, mais qu'on va déranger dans la nuit intra-utérine. À l'époque où l'échographie est apparue, Michel Soulet, qui a été une des personnes qui a le plus compté dans ma formation personnelle, Michel Soulet avait appelé l'échographie, l'IVF, l'interrupteur volontaire de fantasme. C'était en parallèle avec l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Voilà, donc c'était un peu exagéré, un peu provoquant, il le savait parfaitement. Mais effectivement, il voulait dire, est-ce que en allant mettre des images sur quelque chose qui se passe au fond du corps de la mère et dans la tête des deux parents, est-ce qu'on va pas déranger quelque chose? Est-ce qu'on franchit pas un interdit d'aller voir quelque chose qui est intime, profond, secret, obscur? L'histoire a montré que ça n'était pas absolument dramatique. Alors écoutez, Michel Soulet, qui a un humour conséquent et un art de la formule incroyable, alors que l'échographie commence à montrer le bout du nez, donc dans ses premières apparitions, il a cette intuition que, justement, la violence de cette immersion dans une réalité virtuelle échographique pourrait être une source de paralysie totale de la fantasmatique parentale. Interruption de la rêverie. Voilà, de la rêverie qui fait partie véritablement de la construction du tissu de l'humanisation de l'enfant à naître et donc au cœur de la maternalité et de la paternalité. Et pourtant, les premières échographies, on voit pas grand-chose. Alors, on voit pas grand-chose, mais c'est vrai que on s'en aperçoit aujourd'hui à l'aune de la 3D, où beaucoup de parents qui ont connu et la 2D et la 3D disent qu'ils préfèrent la 2D parce que ça laisse plus de place à leur propre rêverie. Alors que la 3D, elle est hyper réaliste et que du coup, elle va être plus contraignante. On va effectivement avoir une marge de latitude moindre par rapport au support iconique. Ce bébé imaginaire, il prend place in utero ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on peut même supposer qu'il prendrait place avant, avant même qu'il soit conçu, et qu'il y a tout un imaginaire créatif, Evelyne Lenoble, du bébé ou du projet d'enfant ou de l'idée que la vie va continuer à travers une nouvelle personne, justement, qui n'est pas encore là, et où il y a tout à construire, où il y a tout à inventer aussi. C'est l'inventivité. Et là, c'est le côté créatif de l'imaginaire et le côté ouvert de l'imaginaire qui peut-être actuellement rencontre, et quelquefois de façon pas tout à fait heureuse, quelque chose qui est trop proche de l'image et de l'image dans son côté tyrannique et dans son côté fermé, un peu comme l'image du miroir qui enferme, ou comme l'image qui est médiée par toutes les techniques d'imagerie médicale, hein, toutes les techniques de voir le bébé, toutes les techniques d'échographie. Voilà, il y a beaucoup de parents qui ressortent, bien sûr, de l'échographie avec une photo de leur bébé, qui est une capture d'écran de l'écran de l'échographe. C'est une image qui est en général quand même de très piètre qualité, il faut bien le dire. Et ça n'est pas du tout un bébé, c'est la trace sur un écran d'un écho qu'a renvoyé le bébé. Et il ne faut pas le confondre avec la dimension imaginaire, créative, et il faut bien laisser la place à chaque chose. Ces différentes étapes, est-ce qu'on pourrait s'y arrêter? La première échographie, vous la lisez, vous la relisez avec elle? Elle témoigne de cette échographie? Ce dont elle témoigne, c'est qu'elles écoutent pour la première fois le battement du cœur du bébé. Il y a une vie, hein, il y a une vie, donc l'émotion, c'est, il est vivant. D'ailleurs, elle sert à ça, cette échographie, d'abord de s'assurer de la vitalité, hein, de l'embryon, puisque on n'est pas encore au fœtus. Et puis, on donne un âge. Alors, tout d'un coup, il y a un âge de conception. Et très souvent, c'est le moment de reparler de la conception. Christine Davoudure. De finalement, comment il est arrivé, ce bébé désiré, ce bébé pensé à l'avance, ce bébé accidentel. Donc, finalement, on fait la déclaration de grossesse à ce moment-là. On ne la fait pas trop précocement, parce qu'avant 12 semaines, il y a un risque de fausse couche spontanée important. Donc, jusque-là, il y a quelque chose qui est suspendu. Et là, on peut signifier, voilà, et on sort ce papier de déclaration de grossesse, on l'écrit, on la note. Et c'est un temps où, a priori, on sort du risque de fausse couche du premier trimestre. Alors, je dirais que la seconde échographie, déjà, il y a un grand malentendu possible entre ce que les attentes du médecin, de l'échographiste, les intentionnalités de cette échographie et les attentes de la femme et du couple. Parce que je veux parler du couple, il n'y a pas que la femme. C'est souvent, on espère la photo de famille. C'est là où on va savoir le sexe du bébé. Donc, c'est toute la question, garçon-fille. Donc là, on est très suspendu autour de ça. On a une image qui peut vraiment déjà ressembler à quelque chose. On voit les mains, on peut voir un profil. Et c'est presque une photo, où d'ailleurs les femmes demandent souvent de la faire en 3D, voire l'échographiste propose d'imprimer la photographie. Alors il y a deux cas de figure, il y a ceux qui s'y reconnaissent très bien, et tout juste ils disent pas, ils ressemblent à l'oncle, au grand-père, et d'autres qui vont vraiment voir une image très étrange, parce que c'est quand même des images reconstituées, c'est pas une photo, donc qui peuvent être extrêmement déçues, voire impressionnées de cette image qui peut être même un peu, parfois un peu déformée, un peu monstrueuse. J'ai presque envie de dire, c'est comme un test de Rorschach, cette échographie. C'est-à-dire, là, il y a toutes les projections. Il y a celles qui, effectivement, qui vont le reconnaître déjà, vont lui donner déjà un prénom, et d'autres qui vont rester un peu dans cette étrangeté, voire inquiétante étrangeté. Mais si je vous parle du malentendu, c'est qu'en fait, nous, cette échographie, elle sert à déceler des malformations et des anomalies qui se feront à ce terme-là. Donc se pose toute la question, comment on présente, nous, cette échographie? C'est-à-dire que si on la présente comme la photo de famille, on va savoir si c'est un garçon ou une fille, tout le monde vient avec toute la famille. Mais l'échographiste, lui, il est attentif à déceler une anomalie. Et parfois, il y a collusion et violente entre les attentes de cette famille et des mots ou des silences prolongés ou des mots qui vont être dits et des choses qui vont être trouvées. Donc se pose toute la question que Sylvain Messonnier questionne de l'anticipation. Et la proposition, c'est peut-être que quand même nous puissions indiquer que cette échographie, elle sert aussi à ça. Puisque Sylvain Messonnier pense, et il n'est pas le seul, mais que la fonction anticipatrice et l'angoisse qui va avec, hein, l'angoisse comme quelque chose d'anticipateur, comme il a une expression, il appelle ça un airbag, permettrait d'amortir la violence d'un diagnostic qui serait fait là. Et les témoignages des parents à qui on a pu faire des diagnostics inquiétants sur cette échographie, qui est quand même l'écho qui va voir les malformations. Après, on ne risque de plus les voir. C'est de dire, on ne nous avait pas prévenus, on y allait pour une partie de plaisir. Voilà, donc je pense qu'il faut penser beaucoup de choses autour de cette échographie. La construction de l'identité de l'enfant trouve son premier chapitre, sa première écriture dans la période prénatale. Force est de constater que, au jour d'aujourd'hui, les jeunes gens qui ont une vingtaine d'années, eh bien, quand ils amènent pour la première fois une relation amoureuse qui commence à être de qualité, eh bien, en règle générale, il y a exploration de l'album de famille et la première photo, véritablement la première marque iconographique de cette personne-là, eh bien, c'est une photo échographique fœtale, hein, ce qui montre bien qu'au jour d'aujourd'hui, l'image échographique vient vraiment signer l'émergence identitaire dès le prénatal. Ce qui se joue dans leur tête autour des trois échographies, enfin, montre qu'il y a un véritable feu d'artifice de questions. Donc, je pense que la première d'entre elles, c'est est-ce qu'il est vivant, cet embryon, au début de la grossesse, hein. La deuxième, qui arrive bien vite, c'est est-il en accord avec l'idée que je me fais d'un être humain suffisamment bon, c'est-à-dire en accord avec l'idée de normalité que je me fais. Je rencontrais il y a quelques semaines une jeune femme et son conjoint qui exprimaient leur courroux, leur véritablement rage à considérer que le diagnostic anténatal, l'échographie en particulier, à trois reprises, n'avait rien vu de la malformation cardiaque de l'enfant qui était maintenant dans leurs bras. Voilà, c'est une anomalie redoutable qui aurait pu, si elle avait été perçue, donner lieu à une interruption médicale de grossesse. Voilà, donc si on n'idéalise pas ce qu'il en est de la puissance médicale en matière de diagnostic anténatal, eh bien, probablement qu'il sera important que les parents soient informés que tout n'est pas visible à l'échographie obstétricale et que le nouveau patient fœtus n'est pas totalement transparent. Je crois ce point important parce que un certain nombre de parents, et parfois les plus vulnérables, seraient menacés par une idéalisation de ce qu'est le suivi médical de la grossesse. Quels sont les mots quand on pose un diagnostic? C'est une annonce, un diagnostic. Alors, il faut dire que parfois, c'est bien nous qui faisons l'annonce. C'est-à-dire qu'il faut quand même reconnaître que certains échographistes vont rester dans un silence qui va évidemment être perçu par la mère. Il y a une petite chose, il faudrait que vous alliez voir vite votre médecin. Et c'est souvent comme ça que nous arrivent les femmes, avec une échographie. Alors, ça dépend type d'anomalie, hein. Mais une échographie qui montre effectivement un certain nombre de, ou des malformations du fœtus, ou un fœtus qui serait peut-être pas viable, ou des signes de trisomie, bien que ce soit plutôt. Donc un certain nombre de choses qui fait que l'annonce peut être inquiétante d'emblée, mais il peut avoir simplement des petites anomalies, enfin petites, des retards de croissance déjà décelés là, et tout l'art est peut-être de ne pas inquiéter au-delà de ce que l'échographie s'a noté, parce que ça va demander des contrôles et des vérifications. Et là, on a un temps suspendu. Et on peut avoir des femmes qui vont s'arrêter de rêver du bébé, vont arrêter la rêverie maternelle, vont la suspendre parce que peut-être ce bébé ne sera pas viable ou n'ira pas à terme. Et on peut voir des mouvements de désinvestissement du bébé comme pour se protéger elle-même un trop grand attachement, donc quelque chose qui se suspend et qui peut poser pour certaines femmes des problèmes pour la suite, même si les échographies sont normales. Quelque chose a été mis en alerte et comme une histoire, la grossesse est toujours une histoire individuelle, peut venir faire collusion avec quelque chose d'autre chez cette femme et la figer comme ça dans un état d'attente et de, voilà, elle va interrompre la rêverie. Vous êtes donc l'œil, celui qui va décrire. Finalement, on est dans, avec vous, on est dans l'œil du viseur, c'est-à-dire que la patiente voit avec vos yeux. Est-ce qu'il est bon pour la patiente de pouvoir tout voir ? Une des subtilités de l'exercice, c'est que notre œil, nous, est à la recherche de l'anomalie ou de l'absence d'anomalie. Yves Ville. Donc c'est un œil un peu paranoïaque. Et il faut que nous fassions, que nous transformions ce regard paranoïaque en un discours rassurant, la plupart du temps, parce qu'il doit l'être. Et lorsqu'il ne peut pas être rassurant, il faut savoir exprimer des doutes ou des certitudes de la façon la moins négative possible et en se gardant bien de tout, j'allais dire, enthousiasme. Puisque lorsque vous êtes dans la position de celui qui cherche l'anomalie, il existe un réflexe contre lequel il faut lutter que de bondir ou de rebondir sur ce que l'on pense être une anomalie. Et on introduit de ce fait le maléfice du doute. Ce que l'on pense pouvoir mettre au crédit de l'échographiste n'est pas mis au crédit de ce fœtus par sa mère. Donc il y a là un exercice de langage et de pédagogie qui doit les épargner, contexte familial complet le plus souvent, qui doit épargner nos interlocuteurs tout en ne retardant pas ou en ne limitant pas des investigations supplémentaires qui sont absolument nécessaires. Avec vous, ce bébé imaginaire devient un fœtus, un petit patient. Vous l'observez de façon médicale. Vous pouvez introduire des doutes importants ? Oui, c'est-à-dire que l'examinateur peut lui-même avoir des doutes. Et la difficulté de l'exercice, c'est que les doutes que nous allons exprimer auprès de la patiente soient soutenus par des éléments les plus objectifs possibles. Il n'y a rien de pire que l'intuition ou l'expérience. Si l'on a un doute, il faut que ce doute soit étayé, en l'occurrence par une image et par un contexte. Parce que l'échographie n'est pas juste une affaire d'image, c'est aussi le contexte. Quelle est l'histoire de cette femme ? Quels sont ses antécédents médicaux, ses antécédents familiaux ? Et on va interpréter ce que l'on a devant soi sur l'image en fonction de tout ça. Et il convient d'exprimer des doutes qui sont des doutes fondés. Je ne crois pas qu'on puisse retenir de l'information. C'est une médecine, une dimension paternaliste de la médecine qu'on doit, je l'espère, avoir absolument rayée de tout manuel et de tout apprentissage de la médecine. Et si l'on veut garder la confiance d'une patiente, lui cacher quelque chose que l'on considérerait comme bénin n'a aucun intérêt, puisque si on le considère comme bénin et qu'on sait bien l'expliquer, il n'y a pas de raison que cette femme ne le considère pas elle aussi après avoir donné l'explication comme bénin, à condition qu'on soit sûr de ce que l'on voit, bien entendu, ou qu'on se donne les moyens de le savoir. Et puis si c'est quelque chose de grave, alors c'est une faute médicale. Ça n'est pas l'engagement du médecin que d'assumer pour sa patiente que telle information est bonne pour elle et que telle autre ne l'est pas. Et que puisqu'il n'y aurait rien à faire avant la naissance, eh bien, il convient tout aussi bien de le garder pour après. L'échographie est devenue un acte extrêmement banal. Oui, en effet. Et si vous voulez, c'est très précisément cette banalisation que je redoute comme la peste. C'est-à-dire que la métaphore que je vous proposerai est la métaphore du rituel de passage, du rituel initiatique. Les anthropologues nous apprennent que un rituel de baptême, par exemple, eh bien, c'est mimer une scène qui va bien se finir, puisque, in fine, l'enfant va ressortir membre de la communauté. Mais qu'est-ce qui se joue dans un baptême, en particulier dans un scénario catholique ? On va mimer la possibilité de le noyer. Et c'est sur la base de « je suis en mesure de te donner la mort » que je te ressors membre de notre communauté. C'est-à-dire qu'il y a une violence du passage de la marge qui est véritablement mise en scène et dans le meilleur des cas symbolisée avec une efficacité symbolique, dira Lévi-Strauss, entre ceux qui mènent l'accouchement, le chaman du fameux texte de l'anthropologue, et la parturiente. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'efficacité symbolique entre les soignants et les soignés autour de l'échographie obstétricale. Pourquoi y a-t-il ce que mon collègue Luc Gourand appelle un malentendu fondamental? Eh bien, parce que d'un côté, les échographistes viennent faire un examen qui cherche à savoir si l'embryon ou le fœtus est porteur de ce qu'il serait cynique d'appeler un délit de sale gueule, puisqu'il s'agit de savoir s'il va rentrer ou non dans la communauté humaine, et que les parents, bien souvent, trop souvent, à cause de cette banalisation, victimes de cette idéalisation, viennent là pour faire du tourisme parental, dans un aveuglement à l'égard de ce dont de ce dont il a été question tout à l'heure, c'est-à-dire, est-il mort ou vivant? Est-il en train de se construire suffisamment bien? Et qu'est-il en train de se passer dans la métamorphose, pour moi, du devenir mère, du devenir père? C'est-à-dire que la violence de tous ces questionnements à l'échographie, qui est un formidable amplificateur de toutes ces interrogations anthropologiques, doit être reconnue et accueillie. L'échographie, donc, elle est extrêmement importante dans la mesure où elle donne la possibilité au corps médical et aux parents de dire ou pas si ce fœtus va appartenir à ce monde commun ou pas. Est-ce que c'est un rebut? Est-ce qu'on le garde? On ne le garde pas? Véritablement, c'est dans cet esprit-là, si vous voulez, et utiliser ces termes dont je mesure bien la violence, c'est répondre et s'opposer à l'idée d'une banalisation de l'échographie. Et je crois que, malheureusement, et je le dis avec beaucoup de tendresse, l'art médical pourrait véritablement transformer en matériel banal un certain nombre d'éléments qui portent en eux la promesse d'une pensée réflexive à un moment où ça tombe à pic. Parce que si vous prenez précisément l'exemple d'une jeune femme devenant mère, d'un jeune homme devenant père ou d'un couple homosexuel, les deux membres d'un couple homosexuel, eh bien s'il y a vraiment une période où il fait bon s'interroger sur qui on est et où on va et que devient ce monde, c'est bien à ce moment-là. Donc l'échographie est un tremplin formidable, philosophique, éthique et politique. On pense l'enfant. À partir du moment où on adopte le fœtus, on pense l'enfant. Est-ce qu'on pense vraiment le fœtus? On peut ressentir. Mais il faut que ce point de sensation réelle va donner naissance à des productions imaginaires. Voilà. Il est vivant, il n'est pas vivant, c'est un monstre, c'est pas un monstre, etc. Bon. Olivier Douville. Il y a des productions symboliques, à savoir un oui du dispositif humain, familial, un oui du corps de la femme, à ce oui de la vie qui insiste. Voilà. Donc le symbolique, c'est toujours de dire un oui sur le oui, ou un non. Un oui qui a du sens, parce qu'un non est possible. C'est ça le symbolique. C'est-à-dire, oui, je garde l'enfant. Et c'est peut-être que ce « oui » est d'autant possible qu'un « non » est aussi possible. Une grossesse, c'est du réel. Ce réel, on ne le soutient que par des images, parce qu'on ne s'y reconnaît pas. Il faut des images. Il faut des images de ce réel, qui peuvent être l'enfant idéal, l'ange, le démon, le vampire. Tout ça, on a ce qu'il faut, l'enfant ancêtre. Donc ce réel, on le soutient par des images, mais ça ne suffit pas. On soutient par des images, parce que les images, on appelle à un discours, à une parole. Et cette sanction par le discours ou par la parole, qu'on appelle le symbolique. Pour le dire de façon beaucoup plus simple, dans quel monde il arrive, l'enfant? Il arrive dans un monde où nous sommes toujours en médiation les uns et les autres par le fait qu'on se parle. Et que quand c'est important, c'est-à-dire quand il faut reconnaître du neuf, on tient à ce que cette parole ne soit pas une parole qui soit trompeuse, malhabile, sur quoi on pourrait revenir sans cesse, ou qui n'engage à rien, voilà. Mais c'est ça le symbolique, c'est de dire oui, c'est de dire oui, et que ça vaille pour un oui qui tient le coup, et que ce oui, il est dit en présence d'autres, voilà. C'est ça le symbolique. Ça fait 2 jours en plus, c'est-à-dire qu'au début on n'était pas dans la même chambre, il était vraiment néonateur en boxe, ouais. Donc on n'avait pas ce côté réveil tous les 3 heures et tout, c'est un peu dur. Et parce qu'il est né en avance ? En fait il est né à 37 semaines plus un jour. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait qu'il avait besoin d'une hospitalisation ? Déjà on a démarré par une clarté nucale épaisse. Ah ouais, pendant la grossesse ? Ouais, dès le début, donc là la gynéco nous a dit 30% trisomique, 30% un problème, mais on l'a pas encore déterminé, 30% sain. Donc de là on a fait 12 échos en tout. Ouais, donc une grossesse très ouais, compliquée. Ouais. Donc on est arrivé à Bouchard mardi dernier pour une mise. Pardon, je suis crevé. Hein, pour une mise en observation. Non mais du coup pendant la grossesse vous avez eu une amniocentèse Elle a eu un caryotype, ouais. Un prélèvement de placenta et caryotype. Donc ouais. Caryotype il a rien donné. Il n'y avait pas de gènes anormaux, tout ça. D'accord, donc ça c'était plutôt rassurant. Ouais. Et derrière, il nous a annoncé sur la dernière écho, en fait, que le placenta il était en train de se calcifier. Donc qu'il fallait le sortir plus ou moins rapidement. D'accord. Donc ils ont attendu le terme plus un jour. Et ils donc ont c'était déclenché un déclenchement. Ouais. D'accord. Et finalement, ça a terminé en césarienne, puisque les contractions montaient très doucement. Et par contre, le rythme cardiaque s'effondrait. D'accord. Donc le bébé se fatiguait au moment des contractions. Il faisait des bradycardies, c'est ça ? Ouais, je c'est pense. C'est le cœur qui, la fréquence du cœur qui ralentit ? Ouais. En fait, ça faisait vraiment sur le schéma, le pic qui descend au milieu du pic de contraction, sachant que c'était des petites contractions. Quoi. Donc sur la dernière écho, il disait que le poids, il était à peu près de 2,1 kg. Il est sorti à 1,8 kg, ouais. Donc presque 1,9 kg. D'accord. Donc voilà, un peu. Pas super quoi, mais bon. Comment vous avez vécu, vous, de votre place la césarienne déjà. La césarienne, vous j'étais derrière le rideau, j'étais là, avec elle. Et je l'ai vécu, je sais pas, comme un accouchement. Pas vraiment en fait. Non. Bon, après, moi j'ai pas de. Mais j'ai pas d'a priori par rapport au sang, ce genre de choses. Simplement la fille qui était avec nous en fait à un moment elle me dit ben ça y est je vois déjà la tête. Du coup je l'ai regardée, je lui ai dit je peux me lever, elle m'a dit non bougez pas. En retournant la tête j'ai vu l'espèce de lampe en fait qui était au-dessus et dans le reflet de la lampe j'ai tout vu, ils ont sorti le petit et tout. Donc, c'est très impressionnant. Ouais, vraiment c'était dimanche. Il est né 1er avril. Dimanche. Ouais, à 17h29. Ouais. C'est très très. Des étapes comme ça très très rapides où vous avez beaucoup d'informations en très peu de temps. Finalement, depuis le début de cette grossesse, vous dites 12 échographies. Ouais. Ben là, en fait, premier diagnostic donc qui était mauvais en fait. Et de là, ils vous font passer dans plein de services en fait pour voir s'il a un problème génétique ou autre. Et donc, je pense qu'ils vont très rapidement de toute façon pour qu'on puisse prendre la décision finale de le garder ou pas en cas de problème. Et voilà, après. C'est une question qui s'est posée pour vous du coup ? Ouais. Pas par rapport à notre amour ou la façon de. Pardon. Ouais, c'est, vous pouvez être aimé, hein. C'est... Ouais. J'ai beaucoup pleuré de ma vie, je crois. Ouais. Pas sur l'amour ou voilà, c'est plus des interrogations sur le monde, quoi. Qu'est-ce que peut espérer avoir un trisomique en 2018 en France et dans le monde, quoi. Donc la question était vraiment là plus que la seringue. Bon, je crois que vous avez l'habitude. Ouais, ça y est. Ouais. Et voilà, la question se posait plus là-dessus. Après, il arrivait, la question se posait pas. Dire c'était notre enfant, voilà, il arrivait, il avait un problème, et ben, il avait un problème, quoi. Mais c'est clair que bon, ouais, la question se posait au début, quoi. C'est... Et puis bon, c'est... Vous avez décidé de l'adopter tel qu'il se manifestait, ouais, là, avec la possibilité de la trisomie, c'est ça? Non, c'est-à-dire que le diagnostic, il aurait été posé suffisamment tôt. Je pense qu'on arrêtait la grossesse. On y mettait un terme, je pense. Je pense, après, je sais pas, parce que la situation s'est pas présentée, mais c'est vrai qu'en discutant avec la mère, c'est quand même compliqué, et puis, j'ai un enfant trisomique, on risque de l'enterrer, quoi. Donc, Vous avez fait un peu le yo-yo, quoi, au niveau de... au niveau des sentiments, ouais. Ah, ça a été dur, hein. Comment vous avez fait pour... investir du coup la grossesse, imaginer le bébé, vous projeter en tant que parent, alors que c'est comme si rien n'était sûr et que tout pouvait s'arrêter. Mais en même temps, rien n'est sûr. Donc je pense que c'est plutôt dans cette voie-là qu'on s'est orienté, au sens où y a quand même la mort subite du nourrisson, il y a énormément de choses. Donc si vous voulez, moi, quoi qu'il arrive, il est là, on l'aime à fond, on s'investit à fond. Et si malheureusement il y a un parcours de vie qui fait que... Ben... Ce que vous avez du coup touché du doigt, c'est que en même temps qu'un projet d'avenir, de vie, vous avez touché du doigt que vous risquez de perdre, quoi. Ouais. Parce que souvent, c'est des éléments de réalité qui peuvent arriver un peu plus tard. Après, c'est vrai que bon, après on a un parcours amoureux qui est quand même pas qui est particulier, quoi. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Mmh. On s'est rencontrés, enfin, moi j'avais 17 ans, elle 16 ans, donc on a quasiment 14 ans de vie commune avant d'entamer le petit. Donc c'est vrai qu'on j'espère, hein, je pense qu'elle partage mon avis, mais on est plus soudés que la naissance ou la mort d'un enfant. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ça pouvait pas nous détruire. Mmh. En tant qu'être et en tant qu'amoureux, donc je veux dire, même s'il serait mort, ça nous aurait pas brisé, quoi. Mmh. Voilà. Après je dis ça, toujours dans le roi, c'est un peu on pense que ça va être ça. Après, je pense que quand le moment il se présente, c'est toujours un peu différent, quoi, mais normalement, oui. Très mignon, tout ça. Ouais, il est joli comme tout. Mmh. Il a l'air tout détendu, là. Il dort tranquillement. Moi, j'ai été très frappé par un livre d'André Breton qui s'appelle L'amour fou, qui parle des adultes, plutôt de l'amour fou entre adultes, et une phrase que j'aime beaucoup: je m'étais perdu à moi-même et tu es venu me donner de mes nouvelles. Je pense que quand on est perdu à soi-même et que quelqu'un vient nous donner de nos nouvelles, on peut peut-être le suivre jusqu'au bout du monde. Enfin, je crois. Et j'aime bien penser le développement précoce du bébé comme ça. Je ne me suis pas, si le bébé avait des mots, qu'il n'a pas, bien entendu, je ne me suis pas encore trouvé, mais déjà tu viens me donner de mes nouvelles par tout le système des interactions qui sont en miroir, qui sont des signaux, des réponses, qui s'échangent entre mère et bébé dans les deux sens. Et il me semble que dans ton travail des mains, quand on commence à bien connaître le bébé, non seulement le bébé exprime quelque chose qui vient de lui, mais il montre aussi à la mère quelque chose qu'il a reçu d'elle. C'est une danse des mains à double sens. Le génie des bébés. Inconnu in utero. Avec Bernard Goltz, Christine Davoudian, Evelyne Lenoble, Olivier Douville, Yves Ville, Sylvain Missonnier, Jacques Dayan. Merci au papa de Lucas et au docteur Julie Marcoux. À la prise de son, Christophe Papon. Au mixage, Olivier Dupré, un documentaire de Nejma Bouakra, réalisé par Franck Lilin, avec l'aide précieuse de Tom Cariou. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervran.